Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour une nouvelle série consacrée au coaching en image. En coaching en image, l'art de mettre des paillettes et des couleurs dans sa vie grâce aux vêtements, c'est ce que l'on appelle la colorimétrie. Comment connaître ma saisonnalité et choisir les couleurs qui sauront me mettre en valeur, me faire sentir bien? Fabienne Levasseur, coach en image certifiée, est là pour tout nous expliquer. Fabienne, bonjour. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je te propose d'ouvrir tout de suite ce premier volet de la colorimétrie pour découvrir les grands principes. Donc, première question, qu'est-ce que la colorimétrie, Fabienne ? Alors, la colorimétrie, dans le conseil en images, c'est l'étude approfondie en fait, des couleurs sur le visage d'une personne en fonction de son harmonie naturelle, c'est-à-dire de sa carnation de peau, de la couleur de ses yeux et de ses cheveux naturels. Voilà. Et alors, à quoi ça sert ? Ça sert à plein de choses, mais ça sert surtout à rayonner, surtout illuminer. Illuminer son teint, illuminer ses yeux, illuminer sa peau, illuminer ses lèvres. Juste être en harmonie, en fait, avoir un teint harmonieux et vraiment rayonner. Qui ne s'est jamais entendu dire « Ah, aujourd'hui, dis donc, ça va, tout va bien, t'as mauvaise mine », alors que tout allait bien et qu'on avait bien dormi. Et à l'inverse, « Oh, tu es resplendissante aujourd'hui, waouh, tu as l'air en pleine forme », alors que tout aussi, on avait bien dormi, mais sans plus que l'autre commentaire. Donc, en fait, la plupart du temps, on va dire à 100%, mais la plupart du temps, c'est vraiment au niveau des couleurs que l'on va avoir mis autour de visage. Quand on parle de colorimétrie, on parle vraiment de cadre au niveau du visage. Ce sont les couleurs qui vont se refléter, d'accord, au niveau de la carnation de notre peau, la plupart du temps. Donc, ça va être des vêtements qu'on va porter comme des vestes, des cols roulés, des manteaux. Au niveau des accessoires, on va avoir les foulards, les lunettes, des chapeaux, accessoires, des bijoux. Très important, on va avoir les tours de cou, voilà, tout ce qui va être proche du visage et bien sûr le make-up, le maquillage essentiel avec la tonalité de son make-up, de son rouge à lèvres et du fard à joues et du fond de teint bien entendu. Donc tout ça fait un tout, la couleur de ses cheveux aussi, si on décide si elle est naturelle ou si on décide d'avoir une petite couleur ou un dégradé. Tout ça va jouer sur la luminosité naturelle en fait de notre pigmentation et de notre rayonnance tout simplement. D'accord, alors il me semble qu'on parle de couleur chaude, de couleur froide. Quelle est la différence entre la couleur chaude et la couleur froide ? Alors, on parle souvent effectivement de couleur chaude et couleur froide. Alors, on parle aussi dans ces cas-là de température, de notre température. Donc, chaude, ça va être des couleurs en fait qui vont avoir des pigments de jaune à l'intérieur et des couleurs froides à l'inverse, comme celle que je porte aujourd'hui. Ce sont des couleurs avec des pigments de bleu. Voilà, je porte du bleu, mais ça aurait pu être un vert avec un pigment de bleu qui va devenir un petit turquoise, mais un turquoise plus bleuté que vert, en fait. Donc, toutes les couleurs peuvent être chaudes et froides. Ça, c'est d'accord. Important de le préciser. Voilà, c'est pas bleu, c'est froid. Donc, ça appartient, c'est que pour certaines personnes. Et puis, rouge, c'est chaud. Donc, il peut y avoir voilà. Tout à fait. Tout à fait. Toutes les couleurs peuvent être vraiment froides ou chaudes. Donc, il ne faut pas se catégoriser en se disant, voilà, on m'a dit que j'étais telle, enfin que ma palette de couleurs a plus, il y a plus de couleurs froides. Donc, on ne met que du bleu, comme tu disais justement. Non, toutes les couleurs peuvent être froides ou chaudes. Après, c'est juste l'œil. À un moment donné, on va s'habituer, on va savoir en fait, puis on va le voir tout simplement sur des couleurs qui nous vont et dans lesquelles on se sent rayonnante quand on se regarde aussi dans la glace, tout simplement. Oui, alors tu le disais, il y a la couleur du teint, des cheveux naturels, des yeux, etc. Comment savoir à quelle saison j'appartiens ? Alors là, par contre, ce qu'on fait pour connaître la saison, on ne peut pas, d'un premier regard, maintenant, je vais pouvoir dire, ben voilà, la personne, je pense, est plus dans des ambiances chaudes ou dans des ambiances froides. Donc plus, alors oui, il y a aussi la notion de saisonnalité. Dans la colorimétrie, on parle de couleurs froides, de couleurs chaudes, mais on parle aussi de saison, parce qu'en fait, les couleurs suivent un rythme des saisons et correspondent à une saison. Donc, on va parler de saison. Les couleurs froides, ça va correspondre à la saison de l'été, avec des couleurs qui sont froides et claires, et l'hiver avec des saisons froides, mais qui sont beaucoup plus généralement sombres. Voilà. Les couleurs dites chaudes vont correspondre aux saisons du printemps, qui sont des couleurs chaudes, mais plutôt, plutôt claires, hein, plutôt douces, hein, ou lumineuses aussi, on va en reparler. Et après, l'automne, qui sont des couleurs toujours chaudes, mais beaucoup plus profondes aussi. Donc, en fonction de son critère, de ses critères, donc de la couleur de ses cheveux, si on a les cheveux plutôt dorés, donc plutôt chauds, ou des cheveux plutôt avec des reflets cendrés, donc dans des tons froids, avec la couleur de la carnation de la peau, donc si on a un teint plutôt rosé, porcelaine, et dans des, voilà, plutôt rosé, on va être dans les tons froids. Si on a un teint plutôt miel, doré, on va être plutôt dans les tons chauds, logique. Et pour les yeux, bah, ça va être pareil. Des yeux qui vont être un noir très profond, un noir quasi ébène, on va être dans des tons froids. Mais un noisette va être dans des tons noisettes un petit peu avec des pigments de jaune, va être dans des tons chauds. Les bleus, mais les bleus aussi peuvent être souvent dans les tons froids, mais pas que. C'est ce que j'allais dire. Du coup, il peut y avoir une tendance générale, mais après, à affiner en fonction de chaque personne, hein, de toute façon. Exactement. Ouais. Après, c'est vrai que ça reste subtil. Et quand on se regarde, on se dit toujours, ah, mais j'ai les yeux, mais là, j'ai des petites touches de jaune. Donc, est-ce que vert ou est-ce que c'est… En fait, c'est dans la globalité que l'on voit et surtout avec le test du drapping. On reparlera plus tard. C'est le test du foulard, tout simplement, où on va, là j'en ai quelques-uns, tu vois, où on va juste tout simplement placer, on a des jeux de foulard, donc dans des tons chauds et dans des tons froids, et tu vas les placer comme ça au niveau des épaules, donc de la cliente, et là on va voir donc le reflet du rouge par exemple sur moi. Alors là je suis maquillée, donc on fait ce test quand sans nous ne sommes pas maquillées, d'accord. Sans maquillage, donc là ça, parce que ça fausse et sans boucle d'oreille argentée, hein, qui brille, et voilà. Donc en fait après on va voir donc le reflet de la couleur au niveau par exemple de la forme de mon visage. Ouais. Est-ce que il y a ça une va vraie différence hein, là, visuellement déjà, ouais, on voit tout à Est-ce fait la différence. Lumineux? Est-ce que tu me vois plus oui. lumineuse plus avec petit ou avec du rouge? Je dirais que les deux te vont, mais le bleu te ferait plus lumineuse et puis le rouge pourquoi pas en robe de soirée, mais c'est un autre tu dégagerais autre chose en fait, voilà. C'est ça. Alors effectivement, pour moi, je suis dans les couleurs froides. Hein, j'en ai été aussi parce que j'ai pas beaucoup de contraste aussi, donc j'ai plutôt été. Donc les couleurs froides, tout ce qui est froid. Hein, mais bon, je vais pas te donner de couleurs parce qu'en fait toutes les couleurs peuvent être vraiment froides. Ouais. Mais avec des pigments de bleu dedans, effectivement, ça va plus m'illuminer en fait. Ça va plus illuminer mon visage. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que important. Attends, je termine là-dessus. Oui. Donc, quand tu as le foulard, hein, donc le test de drapping, donc on va regarder l'ovale du visage, si c'est bien dessiné ou si tu as l'impression que la tête va ressortir aussi de ton corps. Ça, c'est quelque chose, justement, la couleur est trop présente, en fait. D'accord. Ou au contraire, où on ne te voit plus, y a que on ne voit que. Je te mets une couleur et on va voir que ton menton ou que la couleur ne va pas te mettre en valeur, en fait, ne va pas s'harmoniser naturellement avec toi. On va regarder la couleur aussi des lèvres. Est-ce que le rosé de tes lèvres ressort ou est-ce qu'il est plutôt blanc? La peau, est-ce qu'elle est plutôt lumineuse, rosée ou dorée, ou est-ce qu'elle va être grisée, grisâtre? Ça, on le voit beaucoup avec les foulards argentés et dorés. Pour le fait chaud et froid, tout de suite, on voit quand les gens... Parce que des fois, on peut être aussi un peu les deux. Hein, donc, mais il faut le faire. Il faut faire le test pour se rendre compte visuellement de l'impact de la couleur sur nous. On va regarder le blanc des yeux aussi. Est-ce que les yeux sont plutôt pétillants ou est-ce qu'ils sont plutôt jaunes? Enfin, voilà. On regarde vraiment un tour. Et au fur et à mesure, donc ça, c'est la température, chaud et froid. Donc, on va être plutôt... Imaginons pour moi se dire, je suis froid, donc je vais garder les couleurs froides de mes foulards. Dans les couleurs froides, on va avoir ensuite un deuxième critère qui est important, ça va être la clarté. Est-ce que ce sont plutôt des couleurs claires qui vont me mettre en valeur, donc avec une touche de blanc à l'intérieur de la couleur, ou des couleurs foncées, en l'occurrence avec une touche de noir à l'intérieur. Typiquement, là, je continue avec le bleu. Tu as un bleu clair, hein, et là, tu vas avoir un bleu roi, donc avec une touche de noir. Ça reste un bleu, ça reste du froid, ça reste des couleurs froides. Tu vois, donc après, tu remets et on va refaire. Voilà. Est-ce que c'est plutôt le clair qui me va ou est-ce que ça va plutôt être le foncé qui va faire ressortir mon visage et qui va me donner de la lumière. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a décidé si c'est plutôt clair ou foncé, on va voir au niveau de ce qu'on appelle la chromatique, c'est-à-dire est-ce que ça va être les couleurs très lumineuses, c'est-à-dire avec 100% de pigments dans la couleur qui vont m'aller, typiquement, ou alors est-ce que ça en rajoute un petit peu de gris en adoucissant la couleur, ce qui est différent de la clarté. La clarté, c'est vraiment du blanc. Quand on va mettre du gris, ça va faire comme une sorte, ben voilà, un jean délavé. Ouais. Voilà, tu vois la différence entre, mon petit bleu layette et mon jean délavé. Ouais. Une couleur un peu passée, très douce en fait. Celle-ci est claire, mais elle est lumineuse quand même. Oui. Celle-ci ouais, est, plus tamisée, tu vois. Donc, est-ce que ça va être plus des couleurs lumineuses dans mon critère, ou alors des couleurs plutôt douces, qui passées entre guillemets, qui vont correspondre vraiment à ma luminescence, on va dire. D'accord. Et après, le dernier des critères, donc ça, c'est vraiment, j'utilise la méthode des 12 saisons. Il y a plusieurs saisons. Les 12, c'est la plus complète et complexe, parce qu'elle peut aussi bien se faire, bien sûr, en atelier, en face à face, mais aussi online, ce qui est important. Et donc, après, on va vraiment vérifier le contraste de la personne. Est-ce qu'il y a un fort contraste entre sa peau, ses cheveux, ses yeux, ou alors, un peu comme Blanche-Neige, voilà, avec la peau très blanche, les cheveux très noirs, un très fort contraste. Ou au contraire, est-ce que le contraste va être très atténué, avec des cheveux vraiment miel, une peau dorée, des yeux un peu noisette jaune, voilà, où là, ça va être tout doux. Et avec tous ces quatre critères, on va définir vraiment une saisonnalité précise. C'est-à-dire, si on est un été, on peut être un été clair, on peut être un été doux, on peut être un été... On peut être un été froid aussi. Donc voilà. Et dans chaque saison, comme ça. Voilà, dans chaque saison, on va définir vraiment avec précision. Il y a tout un éventail à chaque fois. Il y a tout un éventail. Voilà, il y a tout un éventail. Après, moi, je le dis toujours à mes clientes, et je le fais aussi pour moi. C'est-à-dire que je ne me focalise pas à 100% dans mes couleurs. Oui. Parce que maintenant que je les connais, c'est vrai que je trouve que c'est plus sympa. Mais enfin, vraiment autour du visage encore. Hein, quand j'encadre le visage, là, par exemple, j'encadre mon visage avec cette petite tunique. Si je la ferme, vraiment, ça va se refléter. Ouais. Si j'avais une petite robe ouverte, très écolée. C'est ce que j'allais te poser comme question. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai les épaules nues, par exemple. Donc là, on a la carnation, etc. Du coup, est-ce que c'est aussi important de... Voilà, c'est... Non. Quand c'est vraiment ouvert, avec des petites bretelles ou une petite robe bustier, ou les pantalons, les shorts, les jupes, ça c'est open, open donc, bar. Finalement, c'est on peut mettre tout ce qu'on veut, du moment qu'on voilà que c'est la carnation de notre buste qui est naturelle du coup, et qui va venir, enfin l'harmonie est déjà là de toute façon. Voilà, et on parle vraiment, faut toujours penser au reflet. Est-ce que la couleur peut se refléter sur le visage mon vêtement, une veste, un manteau, un foulard, oui, puisqu'il est vraiment au niveau du cou et du visage. Ouais. Les boucles d'oreilles, oui, si elles sont assez imposantes. Pas si elles sont petites, mais si elles sont imposantes. Les rouges à lèvres, le blush, ben oui, si on met du doré alors qu'on est plutôt dans un ton rosé, les traits vont être tirés, marqués, et alors que le rosé va vraiment tout de suite, pouf, apporter de la lumière. Donc voilà, c'est plus important ce genre de détails. Les épaules dénudées, mais avec un foulard en plus qui va venir donner un petit coup de peps, ça peut être pas mal. Exactement. Autre question, du coup, est-ce que je dois m'habiller en fonction du maquillage ou l'inverse? C'est-à-dire en fonction du maquillage. C'est-à-dire si je veux, j'ai envie de mettre un rouge sur mes lèvres, etc. Est-ce que du coup, ben, finalement, je dois harmoniser avec ce que je porte, ou est-ce que ce que j'ai porté doit s'harmoniser avec le rouge, oui, ou finalement avec plutôt ma carnation naturelle de lèvres? Ton rouge à lèvres, d'une manière générale, doit s'harmoniser avec ta carnation. Déjà. Les rouges, il y en aura plusieurs. Il y a tout un panel de rouges, et chacune, voilà, ça peut être un rouge rosé ou un rouge orangé ou un rouge. Voilà. La priorité, déjà, si on choisit le make-up, c'est aussi de travailler sa colorimétrie finalement. C'est ça, d'aller dans la carnation vraiment de ta peau. Ça, c'est important pour le blush, le fond de teint et effectivement le rouge à lèvres. Ensuite, le rouge à lèvres, c'est assez particulier. C'est comme le vernis. Souvent, on l'associe. Et puis, c'est un côté très féminin, très présent, très ça montre du caractère chez une femme aussi. Donc, en fait, le rouge à lèvres, assez fort, dans des couleurs fortes, peut être porté... Peu importe, en fait, moi, je dirais ta tenue, parce qu'elle correspond à ta personnalité, à ce que tu veux montrer. Voilà, donc en fait, c'est en toi, le rouge à lèvres. Ça fait partie de toi. Donc, tu ne vas pas forcément te dire, j'ai mis ce rouge à lèvres là, donc j'ai porté cette tenue. Ton rouge à lèvres, c'est toi. Donc, en fait, on a souvent un ou deux, on n'en a pas 50 des couleurs qu'on aime vraiment porter. Donc ça, tu peux le garder comme un élément fort de ta personnalité, de ton image que tu vas refléter. Voilà, tu n'es pas obligé de le... Après, si tu harmonises, effectivement, si tu as des couleurs plutôt pastel, bon, un rouge à lèvres dans ta carnation, mais plutôt léger, plutôt pas pastel, peut-être un peu plus soutenu que le pastel, mais quand même un petit peu plus doux qu'un rouge vif. Bon, ça va être tout doux, ça va être dans l'harmonie. Maintenant, est-ce que c'est ce que tu veux montrer? Ça dépend des personnalités. Tu sens la mieux? Peut-être pas. Peut-être plutôt ce que c'est ton rouge camaïeu et basta. Et dans ces cas-là, il faut y aller parce que l'important, c'est aussi ton assurance que tu as par rapport à ce que tu dégages. Voilà, encore une fois, on le répète, hein, la colorimétrie, c'est pas anodin, en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous sentir bien. Donc, pour la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai une dernière petite question, de manière très, très brièvement, hein, concernant les motifs. Est-ce que ça aussi, ça joue justement quand on peut avoir un haut, par exemple, clair, mais avec plein de motifs, des petites fleurs, des petites choses comme ça. Sur quoi je dois me focaliser? Plutôt le fond de ma tenue ou plutôt les petits motifs Alors, encore une fois, si tu as un petit haut fleuri, je ne sais pas, moi, dans les violets, roses ou magenta. C'est plutôt la tendance globale, en fait. Hein, c'est ça, c'est plutôt la couleur. C'est plutôt la tendance globale. C'est plutôt la tendance globale. Si toi, tu as un rouge à lèvres qui te plaît, qui est dans les tons rose fuchsia, par exemple, et bien dans ces cas-là, et si tu as... Moi, je préfère toujours, effectivement, avoir une couleur qui rappelle ce que je porte. J'aime bien. Tu vois, c'est pour ça que souvent, le rouge, quand tu as du vernis, ben voilà, tu vas le porter en même temps que ta carnation de... Que la couleur de ton rouge à lèvres. J'ai vu, c'est joli. Et après, voilà, c'est un chemisier un petit peu avec du rouge vif. Et bien, si tu aimes porter du rouge vif, ben, tout de suite, ça va rappeler, ça va harmoniser. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien effectivement prendre une couleur du chemisier. Mais pour ça, il faut aussi avoir réfléchi en te disant, ce chemisier, par exemple, si c'est une couleur de rouge à lèvres que tu portes, te dire, celui-ci, il ira très bien. Et en plus, je pourrais l'accessoiriser comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'on ne refait pas son vernis tous les jours non plus. Mais encore une fois, le vernis et le rouge à lèvres, c'est quelque chose vraiment à part. Et le rouge, d'une manière générale, est une couleur, entre guillemets, forte, mais passe-partout, entre guillemets, chez une femme, dans le sens où il ne sera jamais, il sera toujours très classe, très... voilà, très élégant s'il est bien porté. Voilà. Bien choisir, en fait. Vaut mieux demander conseil pour choisir son rouge à lèvres. Et voilà. Au moins, une fois qu'on l'a, on l'a pour toujours. C'est ça. Ce sera toujours chic. Il n'y aura jamais de faux pas. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions aussi avec les hauts et le rouge à lèvres. Merci beaucoup, Fabienne. Ce premier volet donc des grands principes arrive à sa fin. On verra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos justement comment connaître avec justesse sa saisonnalité. On a vu que ça dépend de plein de critères. Définir également les gammes de couleurs qui nous vont bien. Et puis, tu nous présenteras dans un troisième volet comment se passent justement les ateliers que tu proposes en colorimétrie. Fabienne, un grand merci. Un grand merci à toi, Émilie. Et je rappelle effectivement que l'on peut te consulter pour toute question de coaching en images. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là. Que ce soit en face à face ou en ligne, toutes les informations pour rejoindre Fabienne sur son site internet chicetethique.com. Nous vous mettons toutes les informations là en commentaire de cette vidéo. Un grand merci et à très bientôt, Fabienne. Merci, Émilie. À bientôt. Belle journée.